gens d'ici, gens de cœur, pays unique du nord de l'Amérique, grand peuple uni sous la fleur de l'Isée, nation qui fleurit et aspire au bonheur. Sous l'arc-en-ciel de l'amour, nous chantons liberté. Au fil des jours, nous gardons en mémoire notre histoire. Nous allons à la rencontre de nos ressemblances. Accueillons nos différences, respectons nos croyances. Notre fierté, notre victoire, c'est de parler français et de vivre ensemble.